Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 21e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن ولا أما بعد. ما معنى البطاقة الشخصية؟ Une carte d'identité. Une carte personnelle. Mais... مقدما. En avance. الدفع. Le paiement. الاستقبال. L'accueil. خدمة. خدمة. نعم. Un service. أقام يقيم. Résider. عمال travailleur شخص اليوم يعني الرابع كده طيب كان ينبغي أن تكتب الأعداد بالحروف كتابة صحيحة كم درسا ستكتب سأكتب خمسة درسا سأكتب كم خمسة لا إلى ما فهم به خمسة الآن سمية كمان لا ميال ميا ميا ميال خمسة سيكتب خمسةين ما فهم به كيف خمسةين ما فهم به ما الحركة سيكون حركة مفعول به كسرة كسرة رأيت محمدين قسمت لي سبحان الله خمسة درس لا خمسة درس درس اللي مضاف إليه زي كده من الإكزامبل سأقيم أربعة أيام اللي هي الإكزامبل هي الفتحة ثانيا كم كتابا ستقرأ سأقرأ ثمانية كتاب جم كتب بالطبع هو ديكون على الدرس سي دروس سي جم aussi De 3 à 10, c'est un pluriel qui vient. Pluriel Moudofilei. Thalithan, quel kilo se t'achetari? Se t'achetari à 10. À 10. Et j'aime le kilo, c'est j'aime Mouanef Salim. Kilouni. J'aime Mouanef Salim. C'est quoi c'est On rajoute quoi On rajoute un nom. Jam al-Mu'anath al-Salim. Ça va être Alif. Alif et Taïb. Qu'est-ce que tu appelles Kilou. Je sais pas. Rajoute un Alif, c'est d'où Kilou. Je rajoute. T'enlèves rien là. Kilou, il reste comme il est. Rajoute un Alif, Qu'est-ce que tu appelles Kilou. Là. Kilowatt Aïe, Tu aurais juste Alif et Adab. Non, non. Rabian, kem rialen satatfa'u. ريالات نعم عاشرا وخامسا سلمان تذكر لسه المؤنث كم نافذة أو بيدو نو أليكسان كم حجرة في الفندق الحمد لله يهدي مصلحة ويهديكم الله ويصلح بالكم العشرة أجرى أقوى نعيد كم حجرة في الفندق في الفندق عشرة أجرى لا اللي بنوف البيلة عشرو لا للمبتدا مؤخر يا بدي هبلة حجرات في الفندق عشرو حجرات عشرو نعم حجرة مؤنث عشرو لك مذكر عشرو ثانيا كم ممرضة في المستشفى combien de soignantes dans l'hôpital عندك في تسعة ممرضات نعم ثالثا كم طالبة في الفصل؟ في الفصل ثمانية طالبات خامسا كم طائرة في المطار؟ كم دافيون ولا يوروبا؟ كم حاجة Ah, je tombe sur le centre. C'est pas grave, celle-là, la 5. La 4. Non. Non. Maintenant, c'est Rabi, un homme. Quel hafilaten, fil mokif, combien de cars à la station ? Fil mokif, Sabaou, hafilatin. Taïb, Et le sadis ou les enfants Une belle farara, tu dis, à Tiati, qui t'a battu Arkham, elle l'a tibé d'un conseil. Kama fil namouzaj. Tu as vu le jumel Oula Fil maktabi, Racharatou Amna. Nam. Dans le bureau, il y a 10 employés. ثانياً دفعت 10 ريالات نعم j'ai payé 10 ريال ثالثاً ثمن الكتاب 30 ريالا نعم on a dit que le jam vient que de 3 à 10 Après, c'est pas un mot un jamkir, c'est un moufrad. Taïb, Rabian, Ndek, Akamtu, fil Kahira, Là, là, on veut pas 15e, là, on veut 15 direct. Ndek, Adolahmen. أقمت في القاهرة في القاهرة 10 أيام لا 17 ملك أو نعم 15 شهر 15 شهر يوما يوما يوما خامسا في المدرسة ثلاثة لا c'est pas un C'est quoi le chiffre qui est entre parenthèses C'est un 3 ça Non, j'ai fait la même faute. Là, t'avais dit la bonne réponse juste avant. Rabia Là, après. Arba Là. Arba ou Naam. Arba ou bien Naam. Mais là, c'est féminin, là. Eh ben oui, bah, Arba, est masculin. Hein. T'as tout compris. Mia est masculin ou féminin? Mia, il est féminin. Bah, donc Arba, oui, est masculin. Il y a un nouveau. Toyeb. Ça, dit ça? خمسمائة مسجد. أيوة. سوف يمد في التمرين. سابعا صلاة الجمعة أكثر من مسلمين. صلاة الجمعة أكثر من ألف مسلمين. لا. C'est pas Alfin. Alfi. Moudaf. Faminan. Inda Ibrahima Ihda Asharata Waladan. Là. Ihda. Je sais comment dire. Ihda. Là. Ihda c'est féminin. Ihda. Ahada Ashara. Naam. Ahada Ashara. Moi j'ai demandé un frère pour ça. Il m'a dit, vas-y, tu peux dire. Comment on dit avec. Ah. Il m'a dit tu peux mettre Hadi. Hadi Rachara. Là. Hadi c'est. Ah non, quand tu dis Ibrahim il a 11e enfant, ça n'a pas de sens. Ouais, mais il me dit ouais, ça dépend de la phrase. Ah bah c'est ta question, tu n'as pas même posé la question. Je lui ai dit comment on dit. Je lui ai montré la phrase. Je vais pas montrer la phrase, c'est ça. Il me dit 11, 12, 13, il me dit ouais, tu peux. Comme il n'a pas vu la phrase, il n'a pas sonné ta question, je pense. T'as Asiran Fissana. Douze ans, là. Quelle lettre de quel mois des chiffres. De 11 à 19, ils sont tous avec une fatha tout le temps. Achir. Fissa'ati, c'est tout la daqiqa. Non. Adi Achar. Fania, c'est une seconde. Là-bas, Fania, c'est une deuxième. Là, ça veut dire une seconde. Et l'achira, nistardim, kul le kalimatin, le kalimatin atiya, fi jumatin mufida. Munasib. نعم هذا السلاح مناسب لك وانت ماذا كتبت مناسب سي كو سي كوريسبون سي on a appris au début du texte hein on l'a appris déjà non on l'a tu as dit ouais on connaît on t'as dit ouais c'est le ism fa'il mais moi j'ai pas compris ce que c'était la correspondance c'est ça Dans le texte, je l'ai traduit. Et on a appris, ça veut dire quoi, un ensemble et un nasibou? C'est combien correspond. Allez voir. Mais là, moi, je ne sais pas c'est quoi le nasibou. C'est quoi? C'est celui qui paye? C'est celui qui... C'est quoi? C'est... Je ne comprends pas ce que c'est ça. T'as écrit quoi, toi? Al-Munasib. J'ai... Al-Munasib, Bayana Krikan, c'est rien. Je voulais dire dans la correspondance, mais je ne sais pas si c'est bien. Non, c'est pas ça. Un munasib, c'est convenable. Chose qui convient. Fanyen asar. Kullu asar. Kullu asar fi hadha dukan hiya maktouba. Allez, bon, et toi? Asrar al-Kutub, Kalifu, 50 Tout Kalifu, 50. 50 est ma choulbi. Je comprends pas les chiffres. Hmm? Je comprends pas les chiffres. Non, d'où c'est pas les chiffres, tu comprends pas. Tu arrives souvent de faire ça, t'as pas repris une chose et après tu l'englobes. Ça sert à rien avec les chiffres. Mais on n'a pas mis les chiffres pour que tu comprennes qu'après tout cas, c'est ma faute billet qui vient. Et ma faute billet est mansoub. Et après, on a pris certains signes du nasb. Ça peut être la fatha d'origine, ça peut être la kasra quand c'est djem onef salim, et que c'est un ya quand c'est un djem zakas salim ou ce qui ressemble. طيب مقدما عندك مقدما نوبي حسن هدف صح حسنا أعمالك بنت حسن فالدكتور الذي يفحصني حسنا أعد الدكتور الذي يفحصني ايوه حسن عمال اللي في المنصب له عمله في بيتي حسنا كذلك لا عمله في بيتي تظن خاطر هذا خبر قلنا لا يتلبت dans le texte comme est en général au début de phrase genre comme c'était une réponse. نعم طيب كذا وانت قدم الجزاء للسقاط حسنا وليك على جلب لا dans la phrase le حسن il n'y a pas d'utilité de le mettre. Par contre, si tu dis par exemple, l'employé dit قدم جزاء السفر à quelqu'un, lui répond Hassanen et lui donne comme réponse tout seul. Al-Dafa. Al-Lazi yasfa al-Daf ou al-Dafia. Machala, c'est logique. Voyez, et Anta Al-Daf bi-bitaqa. C'est le Kimharram. Hein? C'est pas bon? Ah ouais! C'est le Vibra Sahiha. Un Malfir Khata. Aslan. Il fait pas d'Ahwal Daroura, mais qu'il n'est Aslan ou Muharram. Il y a même un an à quête de Fabi Bank. Taïb, Mukaddaman. أعطيني الفلوس مقدما. نعم. مقدما بالفتحة. وأنت؟ بالموقف. جملة غير مفيدة. هذا هو الفعل. مقدمة هي une chose qui te décrit par rapport à un verbe. القطار. أيوة. القطار مقدمة. لا. القطار. Il faut un verbe. Le train est en avance. Ah, mais là, dans, en arabe, tu n'auras pas de verbe dans cette phrase-là. Là, tu as un khabar. Nous, on fait une phrase, dedans, il y a un verbe obligatoire. Comment c'est dans l'énoncé, là ? Hein ? C'est dans l'énoncé, là ? Mon kaddaman, il est dans le souble, là, il est dans un verbe. Ah, ouais. Le kitar. Il revient. Toi, il est là, il revient, on avance. Je peux le dire, non ? On va attention aux harakat. Les harakat, vous déduisez, il faut déduire ce dont vous avez besoin dans la phrase. Et en général, un moment de souple, en général, il a besoin d'un verbe. Tu vas, tu, et même si tu vois un moment de souple qui n'a pas de verbe, dans une phrase, c'est que le verbe était enlevé, mais il est là. Il est mon code d'art. طيب نخوذ الدرس العشرين مغادرة الفندق يعني le départ de l'hôtel le fait qu'il part de l'hôtel quoi. مغادرة on avait dit c'est quitter aussi. Donc là il quitte l'hôtel en fait quitter délaisser aussi la كلمات الجديدة ثلث ثلث c'est un tiers à la base. ثلث ثانية دقيقة منت الجم دقائق الجم في دقائق أعجب يعجب أعجب في يعني impressionné ou aimé. Mais eux, je pense qu'ils veulent dans le texte, c'est aimer. Mais c'est pas aimer comme ahabba. C'est pas le même verbe, attention. Vous allez voir, Inch'Allah, comment ils sont pour. Mumtazun. Excellent, on va dire. Jahaza yujahizu. Ça c'est préparé. Jahaza yujahizu, préparé. Nasoha yansahu, conseiller. De l'almu nasiha. Ruba, c'est un quart. Ruba, un quart. Fatura, ça c'est un mot, c'est pas du fasra. C'est en fait, il veut dire facture. Fatura. Ouais, mais c'est pas un mot fasra. Et qu'est-ce qu'on dit aux deux quand on. Ils font pas de facture ici. Il n'y a pas de facture. Donc tu dis Fatura. Raja Yarju, c'est espéré. Un peu comme Tamanna, comme on l'a écrit. Sauf que la différence entre maintenant et Raja Yarjou, c'est que maintenant c'est une chose qui est dure, presque impossible. Et Raja Yarjou, c'est le contraire. C'est une chose qui est possible et que tu aimes aussi. Il y a un frère qui a envoyé un texto avec Tamanna maintenant. J'espère que tu vas faire un dommage. Ça, maintenant on va dire que c'est employé, mais je veux dire à la base, le sens précis, c'est ça. Maintenant tu vas voir les gens qui en parlent beaucoup, quoi. Dans ce sens-là. Taïb, Ghadara Yuradiru, quitter là. Taïb, et Mazar, c'est Mughadara. Tamaman, c'est complètement. Complètement, parfaitement, ça apparaîtra. Si, mais ta main même, tu l'utilises dans d'autres phrases. Les deux sont pas pareils. Son tchala, ça apparaît dans le texte. Illa, sauf, hormis. Mais là, ils vont employer avec l'heure. Là, vous allez apprendre, comme on dit l'heure en arabe. Là, le illa dans l'heure, c'est moi. Naam. Ça va venir, Inch'Allah. طيب الحوار عندنا خالد والموظف سي با دو راسا سي با متشبه بالكفار طيب انت خالد وانت الموظف انا خالد اي واحد يريد خالدا يخوض خالدا من يريد انا تفضل صباح الخير ايوه bonne matinée. C'est pas grave. Après, on dit, on passe pas salam, mais carrément maintenant on dit bon matin. Sabah al-Nour. Aïe, matinée illuminée ou matinée de lumière. Aïe. Je vais laisser l'hôtel aujourd'hui. Je vais partir de l'hôtel aujourd'hui. Quoi. À quelle heure en fait ? Non. Il dit à 9h30 exactement. Tamamen, ouais, comme on l'envoie ? Il ne va pas dire qu'il y a Milan. Tu vois ce que ça veut dire ? Là, il va dire Tamamen pour dire qu'il part à Filani. À quelle heure là, ça va être exactement ? Ouais. Pile, tu vois ? Quelle heure est-il maintenant? Donc en fait c'est la 9e. Et Thulus, c'est un tiers. C'est quoi un tiers d'heure? C'est combien de minutes? Donc en fait c'est 9h20. C'est ça que ça veut dire. Il va dire la 9e et un tiers en arabe, mais en fait en français on va dire 9h20. Et... Si, tu dis aussi. Rouba, à quart. Al-Muazzaf. Bada Ashri Daka'iqa min al-An. Je ne demande pas pourquoi il fait ça, tu ne sauras pas, je pense pas. Hein? Je ne te demande pas pourquoi il fait ça, Daka'iqa. Je ne pense pas que tu aies la réponse, ce n'est pas le sujet. Sache que c'est le fatra en tout cas. Si tu veux la noter, note la Bible Faïda. Après 10 minutes, à partir de maintenant. Donc as-tu préparé la facture du compte? Donc il dit quoi, Mouazzaf? Donc il dit là voilà, donc ha, là c'est un haf tenbi. Et hiya, ça revient à la facture. Donc on vous dit tiens la voilà. Ça ne durerait pas comme ça. Le hala, c'est un haf juste pour faire mettre en attention une chose. C'est comme dans les asma ishara, haza. Le ha là-bas, c'est pas asma ishara. Asma ishara, c'est za, tout seul. Et le ha, c'est un harf qui a été ajouté. Et là, ha, c'est pareil. Vous voyez ? Non. Wa arju an yakun al funduku qad ajabaka. Et j'espère que l'hôtel t'a plu, en fait. Vous voyez ? Alors on va dire aimer, mais là on va dire par t'a plu. J'espère. L'hôtel, akoun, yakouna, que en fait c'est être, on ne va pas le traduire. T'a plu. Il dit, il m'a beaucoup plu. Et le service, il est excellent. Voilà. Montez, excellent. Là, c'est Montazar, ils l'ont mis au féminin. Parce qu'il est... Il y avait Akhidma. Ah, ils l'ont pas mis là, un truc, ouais. Donc, il dit, bonne occasion. Pour ça, c'est une occasion. Pour ça,

C'est la 11e heure. C'est 11e heure. Mais là, ça, c'est à partir de 13, pas à partir de 11, ça commence. Ouais. C'est comme les autres, c'est à partir de 3 que ça commence. Ouais. Là, il suit, tout suit. Mais à partir de 13, c'est-à-dire de 3 à 9, ouais. Il s'oppose à lui. Voilà, qui est Rachara, à partir de 13, il prend 6, c'est par exemple Salisata. Mmh. C'est ça, de quoi? De quoi? 13e heure, par exemple. La 13e heure, la Salisa. Asharata. Naam. Le Ashara, il suit le dénombré. Il le suit. Et ça, il est moins de 9. Donc Ashara est moins de 9. Par contre, Salisa, il est Muzakkar. Naam. Thaniyan, istami wa raddid. Écoute et répète. Maintenant, il va vous donner des temps définis. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa an-nisf. Donc, en fait, il est 2h30. Vous voyez ? Il est 2h30, en fait. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa thuluth. C'est 2h un tiers, donc ça veut dire quoi ? 2h20. 2h20. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa rub'. Donc là c'est 2h et quart, 2h15. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa 'ashru daqa'iq. Donc il est 2h10. Ça fait 2h10. Vous voyez ? Pourquoi c'est une dame ? Parce que dans les autres là c'est le fatha. Pourtant c'est la même. Où c'est le fatha ? En haut là. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu. Mais là c'est pas mon rakab là, c'est 'ashra tout seul là. Là, c'est 10, c'est pas Hadi Racha. Là, c'est 10 tout seul. Les autres, c'est 11, 12, 13, 14, 15. Là, c'est deux, par exemple, là, dans ce qu'on vient de dire, aïe. C'est 2 heures et 10 minutes. Bah, Baïch, c'est quoi le mouchiké là ? Moi, c'est là. Ouais. 10, c'est tout seul, là, c'est pas non composé. C'est 10, on a dit 3 à 10, les nombres, ils s'opposent aux dénombrés. Ouais. La fatha, elle vient de 11 à 19. Ça rentre pas dedans la 10. 10 il est avant. Il prend pas les règles là. C'est pas un nom composé, c'est pas Adel Murakkab. Ce que je comprends pas là, c'est parce que moi je vois pas de différence entre cette phrase là et l'autre phrase. C'est que là aussi entre 13. C'est entre 13 et 19. Mais là c'est 13-19, je suis d'accord, ça c'est bien, tu vois. Normalement, c'est dans ma tête, tu vois. Voilà qui est là. Je ne vois pas la différence entre Taniyatu ou Arashlou et Taniyata ou Arashurata. Je ne vois pas, et pour moi ça c'est pareil là. Et Arashurata. Là-haut. Là, en haut, c'est Adad Murakkab. C'est un nombre composé, il y en a deux dedans. T'as Hadia et Ashara, ça fait 11. Ouais. Ça, c'est un nombre composé. Ouais. 10, il rentre dedans. 10 c'est avant 11, ça après 11 ou c'est 11. Oh, c'est 10. Eh ben donc ça rentre pas dedans, ça je te dis. Il rentre pas dans cette catégorie de nombres. 10, il va de 10, c'est de 3 à 10. Ils ont leurs règles. Après de 11 à 19, ils ont leurs règles. Après de 20 à 100, ils ont leurs règles. Après 100, 200, 300, 1000, 1 million, 1 milliard, ils ont leurs règles. 10, il rentre pas dans les règles de 11. Je suis d'accord avec toi. Mais... donc il prend pas de fatra là. Il n'a pas besoin. Mais là pour moi. خامسا الساعة الآن رابعا نحن الرابعة non la fait la rabia là. C'est là qui a posé le problème. J'ai compris, en fait, lui là, il est en train de dire 12, Daoud. Ouais, moi, c'est 12 là que je dis. Mais non, c'est As-sa'atul an, as-thaniya, khalas, 2 heures. Wa, 10 daqaiq. Ah ouais. Il n'a rien à voir là. C'est pas as-thaniya, 10. Il y a un waou là entre les deux là, tu l'as vu le waou? Il y a un waou en haut? Non. Ah, il n'y a rien. Ah ouais. En dessous, il dit As-sa'atul an, as-thaniyatu, khalas, point. 2 heures. Ma femme, ou 5 daqaiq. Mafoum ? Donc là, il est 2h05 et 5 minutes. Et Khams, on n'a pas mis Khamsa parce que d'accord, c'est le djem de Dakika et c'est Amouannath. Donc Khams, il va être Muzakkar. Il prend les mêmes règles. Thalithan, Istami ou Raddid. Maintenant, il va vous apprendre à faire les moins. Vous voyez ? À faire les moins, très clair. Awalen, As-sa'atu al-an, As-sa'atu, illa, Thuluthan. Donc en fait, il est 3 heures moins. Moins combien ? Moins 20. Allez, voilà. Et là, après, il est. Il prend une. Il est mansoub, il prend une fatra. Où est-ce qu'il peut remplacer la fatra ? Il est mansoub. Non, pour un truc avec il est, il prend une fatra. Très souvent. Et il est mansoub, je veux dire. Il y a des règles. Il est, c'est aussi assez. C'est un vrai nœud au début, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on va apprendre dans Arkam Mustasna. Mais prendre maintenant, là, dans ce qu'on prend là maintenant, actuellement, là, dans l'heure, celui qui après il l'est, il est mansoub. Vous voyez, il est mansoub. De toute façon, là-bas, c'est pas le kitab de Nahou, tu vois. Non, il va pas vous, il va pas vous expliquer les règles. Maintenant, toi, tu fais du par cœur. Si des fois je peux expliquer, j'explique, quoi. C'est pas besoin de prendre du par cœur. Tu dis, dans l'heure, après il l'est, je mets le fatra. Mais que les gens ne le font pas. Donc les gens ne le font pas. Aujourd'hui, ils ne vont pas dire Asania. Ils vont dire ça Asmatayin. Direct, ils vont dire. Ils vont dire ça, ça Asmatayin. Ils vont dire deux heures, ils vont pas dire Asania. Ils vont dire Asmatayin. Ou ça, ils vont dire quoi Asalasa. Direct, ils vont dire. Ils vont pas dire Asalisa. Ils ne vont pas parler comme ça. Ça Asalasa. Direct, ils vont dire. فإذن الساعة الآن الثالثة إلى ثلثة donc là il est 3h moins 20 الساعة الآن الثالثة إلى ربع donc là il est 3h moins le quart الساعة الآن الثالثة إلى عشر دقائق donc là il est 3h moins 10 moins 10 minutes nous on dit moins 10 رابعا الساعة الآن الثالثة إلى خمس دقائق. Il est 3h moins 5. Et si on dit par exemple ils comprennent quoi ? Il faut mettre دقائق obligatoire. Non, il va comprendre. Ah, il va comprendre. Et c'est pareil. Par exemple, tu veux dire Aya, 3h17. عندك كيف تقول؟ الساعة الآن الثالثة. أيوة. الثالثة. لا الثالثة. الثالثة. نعم. وسبعون عشر. لا، on a dit attention de 11 à 19 je prends tout ce fatra. وسبعة عشر. لا. Après, il faut revenir dans les autres règles, ainsi de suite. De toute façon, ça s'arrête là, sinon ça va être. C'était juste un test. Toi, vas-y, tu ne prends pas la tête aujourd'hui. Tu arrives à dire 3h10, 3h15, 3h20, 3h30. Tu restes entre ceux-là, tu vois. Tu veux dire approximativement. Si par exemple, il est 3h22, tu lui dis 3h20. Ou 3h25. Tu vois, aussi 3h27, tu dis 3h30. Prends pas la tête pour l'instant, inchallah. Et quand tu vas bien prendre le nombre, ben là tu seras plus précis. Hein? Ah, ils ne demandent pas ta main. Tu dis, je te le montre. Je te dis, je t'aime ça. Tu dis, regarde le chat, sinon, tu vois. Regarde le soleil. Là, ils ne vont pas te demander d'être précis. Ouais, mais il ne va pas te dire à la minute près. Il m'a dit. Je lui ai dit un numéro, je crois que je me suis trompé sûrement. Ah, qu'est-ce qu'il avait rendez-vous alors celui-là. Je lui ai dit, tiens, voilà, je fais comme ça. Si c'est pas, tu fais ça. Regarde. T'en as, ça ne savent pas lui, l'oreille. Non, moi je prends téléphone. Donc, maintenant, il va vous montrer justement que leur aiguille. Là, c'est l'exercice. رابعا انظر الى ساعتي ثم اجب Donc regarde l'heure, ensuite réponds. On va faire ensemble celui-là. Ouais, hein? Kam sa'atu al-an, celle-là. On fait quoi, de droite à gauche? On fait de en bas, après, première colonne, celle-là, après celle d'après. Ailleurs? Sittatu wa thalathu daqaiq. Non. Le daqaiq, c'est quoi? C'est fini l'enfant? Non, c'est daqiqa. En dessous. Kam sa'atu al-an? Ça, c'est celui-là. As-sa'atu al-an? Là. Là, c'est l'heure maintenant, c'est pas la minute qu'on veut. L'heure, elle vient pas comme ça. Ayora, tasiratu. Tasiratu. Wa khamsu. Wa. Non. Khamsu tafari. Arsant. Taht. As-sa'atu al-an. Sab'at. السابعة عشرة دقيقة. ساعات الآن السبعة إلا خمسة دقائق. أحسنت. تحت. الساعة الآن الواحدة إلا ربع دقائق. لا. إلا ربع. أيوة. دي بدر دقائق. للربعة وجدت؟ ايوه الى الربعة. اه. تحت. الساعة الان واحدة. ouais, الواحدة tu vas te compliquer la tâche. Tu peux dire comme tu vas dire, c'est plusieurs. Ah, non. Là, ils veulent le il. C'est ça. Tu peux le dire, Wahida ou Arbaoun Dakika. Tu peux le dire, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Non. Il est sur le sein. Il n'y a pas d'Afrique là. Toi, il y a des autres. Elle va arriver le bait. خامسا إملأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي. Donc là, il faut mettre les mots dans les trous. Indana narju, wa ghadara, wa al-fatura, wa mumtaza, wa jahaza, wa daqiqa, wa a'jaba. Rasuna, funduku sadaqa, al-khidma fihi, al-fara. Voyez. Thanyan, wa lidhalika, fara, khalidan. Là, il faut mettre le verbe. Khalid, c'est son talent, Khalid. Naam. ثالثا فراغ الموظف الحساب في الساعة السابعة صباحا. رابعا استلم خالد فراغ في الساعة التاسعة وثلاثين. خامسا قال الموظف لخالد فراغ أن نراك مرة أخرى. ثالثا فراغ خالد الفندق في الساعة العاشرة تماما. يعني أكثر أجوبة موجودة في النص. La plupart des réponses sont présentes dans. ولذلك. pour cela. Et pour cela. Non. Donc, le Iqra. Aïwa, non. Radan, ma fille d'ars. On est là, ça. Donc, on finit ça, Inch'Allah, pour entrer dans un sujet plus intéressant par la suite, Inch'Allah. Fikri. Bon, ça va être simple, mais c'est déjà mieux que faire un tour en train, quoi. طيب اقرا يقول كلمه الجديده فعل يفعل معروف فعل اجرى اجرى معنى ثمن اي prix en fait ça peut être un salaire aussi اجرى ça peut être un salaire quoi فرق c'est différence فرق différence. Fanadiq, c'est le jam de Fundouk. Fanadiq, c'est le jam de Fundouk. Arrafa, yu'arrifu, c'est faire connaître. Arrafa, yu'arrifu, c'est faire connaître. Faire connaître ? Non. Faire connaître tout court. Non, c'est arrafa, connaître tout court. Ah, arrafa, En fait, Faïda, quand tu as tout seul à la voix fa'ala, c'est faire une chose. Et quand tu viens avec la voix fa'ala, c'est faire faire la chose. Souvent. Par exemple, je dis, j'ai l'assa Mohamed. Mohamed s'est assis. On a cool. J'ai l'assa Mohamed. J'ai fait asseoir Mohamed. Faïb Sakra. يقول خالد يريد فندقا مناسبا من الدرجة الثانية. Donc خالد veut un hôtel abordable, voyez, convenable de deuxième classe. فضل خالد فندق الصداقة لأن غرفه واسعة وجرته مناسبة. Donc خالد a préféré l'hôtel الصداقة car ses chambres sont spacieuses et son prix, loyer on va dire, est abordable. قابل خالد موظف الاستقبال وطلب منه غرفة لشخص واحد. Donc خالد a rencontré l'employé d'accueil, l'hôte on va dire. J'espère que c'est pas une hôtesse. Non, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme. Inch'Allah. C'est un homme. L'hôtesse c'est après, c'est un homme. وطلب منه غرفة لشخص واحد. Il a désiré de lui une chambre pour une personne. عرف خالد أن أجرة الغرفة 100 ريال في اليوم. Donc خالد a su que le loyer d'une chambre est de 100 ريال par jour. أقام خالد في غرفته بالطابق الحادي عشر أربعة أيام ثم دفع الحساب وغادر الفندق وشكر الموظف. Donc خالد a résidé dans sa chambre au 11e étage 4 jours et Arbat Ayem 4 jours. Ensuite, il a payé le compte et a quitté l'hôtel et a remercié l'employé. Awalan Yakul, Ajib Asilatil Atiya. Donc ça sera pour le prochain dash et pour la question suivante. ماذا يريد خالد؟ كيف خالد؟ ثانيا في أي فندق نزل خالد؟ Dans quel hôtel s'est rendu خالد؟ ثالثا لماذا فضل خالد فندق الصداقة؟ Pourquoi est-ce que خالد a préféré l'hôtel الصداقة؟ رابعا في أي طابق سكن خالد؟ À quel étage habitait خالد؟ كم أجرة الغرفة في اليوم؟ Combien le loyer d'une chambre par jour؟ ثالثا ماذا فعل خالد قبل أن يغادر الفندق؟ Qu'est-ce qu'a fait خالد avant de quitter l'hôtel؟ أسئلة سهلة. طيب. ثانيا كون حوارا لا خلي هذا. لا ليس الدو. خلو le don laisse inshallah. ثالثا